France Inter et la Cité des sciences et de l'industrie présentent le podcast original Olma, les sciences pour les 8-12 ans. Au cœur de l'Arctique se trouve la Banque de la Vie. Et c'est Olma, une étonnante machine, qui veille dessus. Bonjour Olma. Bonjour Mathieu. Ma seule source d'énergie est la connaissance. Celle des plus grands scientifiques qui viennent me rendre visite. Et je mémorise tout, même si les humains sont parfois bizarres. Alors suivez-nous dans cette aventure fascinante en vous abonnant au podcast Olma sur franceinter.fr.